aimer, c'est même souvent compliqué. Les meilleurs sentiments seront les plus durs à rallier. Si d'ailleurs jusqu'au jour où je t'ai rencontré, je n'aurais jamais cru tomber dans ce grand tourbillon d'un avenir à créer. C'est encore la bohème, petite fleur, sais-tu que je t'aime?